Il y a deux verbes pour exprimer le verbe dire en anglais. Vous vous souvenez lesquels? To tell et to say. Right, to tell, to say. Pour exprimer le fait de dire à quelqu'un ou de dire quelque chose à quelqu'un, on emploie le verbe to tell. Et pour exprimer dire tout court, on utilise le verbe to say. Alors, comment dit-on « qu'est-ce que vous avez dit ?» What do you say? No, il faut indiquer que l'action est passée. What did you say? Right, once more. What did you say? What did you say? Yes, what did you say? Il m'a dit... He told me. Right, he told me. Il me disait... He was telling me. Very good. Right, he was telling me. Alors, comment dit-on? Il m'a dit... He told me. Que ça sera prêt aujourd'hui. He told me that... Ça sera prêt... It would be ready today. Once more, ça sera... Ça... That. That or it sera prêt. It will to be ready. Will. It will be ready. It will be ready. Yes. Yes. So, once more, il m'a dit que ça sera prêt. Aujourd'hui. He told me. He told me que ça sera prêt aujourd'hui. It will be ready today. He told me it will be ready today. Ça ne sera pas prêt. It will not be ready. Right, it will not be ready. Avec la contraction. It won't be ready. It won't be ready. It will not be ready. It won't be ready. Il m'a dit que ça ne serait pas prêt. He told me he... Ça ne serait pas prêt. Oh, it wouldn't. Once more. It wouldn't. Good. He told me it wouldn't be ready. He told me it would not be ready. Comment dit-on? Ça devrait être prêt aujourd'hui. It should be ready today. Good! It should be ready today. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. I don't understand. No, I don't understand, c'est le présent, c'est-à-dire je ne comprends pas. Ici, je demande, je n'ai pas compris. I didn't understand. Thank you very much. Il faut signaler la négation au passé avec didn't. I didn't understand. I didn't understand ce que vous avez dit. What you said. Right. I didn't understand what you said. Je n'ai pas compris ce que vous disiez. I didn't understand what you were saying. Good, very good. I didn't understand what you were saying. Yes. J'ai su. I knew. I knew. I knew. Avec le verbe savoir, on n'emploie pas was suivi de la forme en ing. En français, on dit je savais. Mais en anglais, je savais. Et j'ai su, c'est la même chose, c'est-à-dire « I knew ». Alors, comment dit-on « je savais » ? I knew. Par conséquent, comment dit-on « je ne savais pas » ? I didn't know. I didn't know. I didn't know. Et c'est la même chose avec le verbe « vouloir ». J'ai voulu. I wanted. I wanted. Et « je voulais » se traduit également en anglais par « I wanted ». Alors, comment dit-on « je ne voulais pas le faire » ? I didn't want to do it. I didn't want to do it, yes. Je ne voulais pas qu'il le sache. Je ne voulais pas qu'il le sache. I didn't want him to know it. Very good. I didn't want him to know it. I didn't want him to know it. Avec le verbe savoir, je savais, on emploie donc un passé simple en anglais. I knew. Je voulais, ce n'est pas I was wanting, mais... I wanted. I wanted. C'est la même chose avec avoir. Donc, j'avais. I had. I had. Mais quelquefois, on peut dire I was having. Généralement, cependant, on emploie I had. Je n'avais pas le temps. I didn't have the time. I didn't have the time. Yes. Et si j'avais le temps? If I had the time. If I had the time. Yes. Comment dit-on? Si nous avions le temps, nous le ferions. If we had the time, nous le ferions. We would do it. We would do it. Très bien. If we had the time, we would do it. Yes!